Bonsoir, chers auditeurs de Vibration. Il est 21h, c'est dimanche, et donc, nous débutons l'émission Milky Waves, épisode 22 ce soir, en compagnie de Airwave. Alors, le premier titre de ce soir, de la sélection d'Airwaves, c'est l'artiste Slighter. Le titre, c'est Lost Out There. C'est parti. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Airwave. Voilà, c'était le premier morceau de la sélection d'Airwave avec Slighter, avec le titre Lost Out There. Toujours le Raph au micro en ce dimanche soir, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, cette petite musique nous fait le plus grand bien. Alors maintenant, on passe au suédois Inkfish avec le titre Misophone. Enjoy! Toujours sur Milky Wave, après Inkfish et Misophone, nous passons à l'Argentin Nicolas Petraca ou Petraca avec un titre poétique. Il s'agit de Ballet d'étoiles. On écoute ça. Thank you. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Donc, après le ballet d'étoiles de Nicolas Petracha, on va passer à NRK Projects. Alors, j'ai été voir un petit peu qui se cachait derrière ce nom. Il s'agit d'un étudiant en médecine grecque de 23 ans qui s'appelle Nick Arkoudis. Un jeune doué, il fait ça depuis longtemps. Et donc, il s'appelle NRK Projects en nom de scène. Ce soir, on va écouter le titre Moonstone. Et c'est un Jacob Singer remix. C'est parti. Milky Way. C'était NRK Projects avec Moonstone, Jacob Singer Remix. Alors on est bien ce soir, la musique est bonne, c'est la sélection de Airwave, une excellente sélection je trouve. Toujours le Raph au micro. Le prochain morceau s'appelle Toro, des artistes Beat Syndrome et Estroé. Milky Way. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. toujours sur Vibration, vous écoutez Milky Waves, l'émission qui décoiffe. Nous venons d'écouter Beat Syndrome et Estro et avec Toro. Alors le prochain morceau qui va clôturer la première partie d'émission, c'est un morceau mystère, je ne vous en dis pas plus. Mais nous allons écouter ça tout de suite. C'est parti. This is Milky Waves, hosted by Raph, with On the Decks, Airwave. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Votre émission Milky Waves continue sur Vibration. Vous nous écoutez toujours sur Vibration.fm ou bien sur 107.2 Bruxelles. Toujours le RAF au micro pour cet épisode 22 avec Airwave. Et on continue la sélection d'Airwave avec Miss Dune et Megatron, un original mix. C'est de la bonne musique électronique avec du synthé tant qu'on en veut. Alors, je vous avais promis de la musique électronique, là, vous êtes gâtés avec Miss Dune et Megatron. Le prochain morceau de la sélection d'Airwave, il s'agit de Audio Noir avec One More Night et c'est un Airwave Breaks Mix. Thank you. By RAF, with On the Decks, Bearwave. Voilà, voilà, toujours sur Milky Waves, après Audio Noir et One More Night de Airwave Breaks Mix. On passe à Time Wave, les Américains, je crois qu'ils sont Américains de Time Wave, avec Outer Rim, hein, Pluton Remix. Pluton en deux mots, avec un petit tiret. On écoute ça. We'll be right back. Alors après Time Wave et Hot Rim Pluton Remix, nous poursuivons notre émission Milky Waves en compagnie de Airwave. Avec, ça nous vient de Roumanie, ça s'appelle Moonbraze, c'est de la dark progressive. Le titre c'est Dissem Mensium et c'est un Nesok Remix. We'll be right back. Voilà, c'était Moonbraze et Descendmentium, un Isoc remix. Malheureusement, notre émission Milky Waves touche à sa fin, et oui, les meilleures choses ont une fin. Alors, le dernier morceau de cette excellente sélection d'Airwave, il s'agit de Martin Mlostek et Evolution, un original mix. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée et une excellente semaine. Soyez en forme pour dimanche prochain, on se retrouve à 21h comme d'habitude sur Vibration pour notre belle émission de musique électronique Milky Waves. Voilà, bye bye. Milky Waves.